c'est une figure qui avec tes yeux qui ne voit jamais le soleil, ta bouche en cœur, tes blonds cheveux, tu n'auras jamais ta pareille. Tu n'as qu'à prendre ton miroir quand tu rentres au petit matin. Je ne veux pas te décevoir, mais tes larmes n'y pourront rien. Perds pas ton temps, mais va plus loin. Il y a des pigeons qui ont du chagrin. Tu crois qu'avec un verre ou deux, on soigne les mélancolies, mais ton sourire est trop coûteux pour le gars qui te dit chérie. Si tu te figures qu'avec tes yeux tu me feras croire au soleil, alors ma fille on sera deux, mais d'ici là tu seras vieille. Perds pas ton temps mais va plus loin, et les pigeons ont du chagrin. Mais lorsque la nuit s'est tirée à l'hôtel des quatre vertus, dans ton cœur en porte-monnaie tu comptes tes printemps perdus. Si tu te figures que j'ai payé pour voir ce qu'ils sont devenus, bois ta bouteille pour pleurer, attends que je sois dans la rue. Perds pas ton temps mais va plus loin, il y a des pigeons qui ont du chagrin. Perds pas ton temps mais va plus loin, il y a des pigeons qui ont du chagrin.